الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، à l'occasion de ce dernier cours, nous allons aborder certains exemples illustrant comment les pieux prédécesseurs de cette communauté vénéraient le messager d'Allah, صلى الله عليه وسلم, et sa sunna. Pour ce faire, nous allons aborder certains récits qui ont été rapportés d'eux, sachant que nous sommes dans un grand besoin de connaître ces récits-là, afin de nous rendre compte réellement de comment ils ont pu, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur accorde sa miséricorde, mettre en application avec scrupule la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Faisons donc mention dans un premier temps de ce qui a été rapporté de Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décéda, et qu'un certain nombre d'Arabes apostasièrent, et que certaines gens se refusèrent de s'acquitter de la zakat. Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, par Allah, s'il se refuser à s'acquitter de ne serait-ce qu'une corde qu'il ou dont il s'acquittait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrai certes du fait de leur refus. Ce récit a été notamment recueilli par les deux cheikhs dans leurs recueils authentiques respectifs. Mentionnons également ce qu'ils ont recueilli selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui a dit, alors qu'il avait embrassé la pierre noire, par Allah, je sais que tu n'es qu'une pierre et qu'ainsi tu ne peux ni apporter profit ni nuisance. Et si ce n'était le fait que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Mentionnons également ce qui a été rapporté de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, lorsque lui est parvenue l'information selon laquelle Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu interdisait de lier le hajj à la umrah. En effet, Ali, radiyallahu anhu, est entré en état de sacralisation en faisant mention de la Umrah et du Hajj, en les liant. Et il a dit, je ne suis pas tel à délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam au profit de la parole de qui que ce soit. Et ce récit est unanimement reconnu authentique. Il a été recueilli par les deux cheikhs et les termes mentionnés sont ceux d'Al-Bukhari. Quatrièmement, faisons mention de ce récit dans lequel nous retrouvons que Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit, reste fidèle à la crainte pieuse d'Allah ainsi qu'à la droiture. Suis et n'innove pas en religion. Cela a été recueilli par Ad-Darimi dans ses Sunan. Il a également recueilli selon lui qu'il a dit, quiconque instaure une opinion, quiconque apporte une opinion qui n'est pas présente dans le livre d'Allah et qui n'est pas en conformité avec ce qui a été rapporté de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne sait pas en réalité sur quelle voie il sera lorsqu'il rencontrera Allah Azza wa Jal. Abdul Razzaq a recueilli dans son Musannaf d'après Taous ibn Kisan que ce dernier a questionné Ibn Abbas à propos des deux unités de prière après Al-Asr. Il voulait donc savoir s'il devait les prier ou pas. Mais Ibn Abbas l'en a dissuadé et a réprouvé cela. Taous ibn Kisan a alors dit, je ne les laisserai pas Et Ibn Abbas radiallahu anhu lui a répondu: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Jusqu'à en arriver à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala mubina. La traduction approchée du sens de la parole d'Allah récitée par Ibn Abbas et que l'on peut notamment trouver dans la sourate Al-Ahzab, le verset numéro 36, n'appartient à aucun croyant, à aucune croyante, lorsqu'Allah et son messager ont statué d'une chose d'estimer avoir encore le choix de décider du sort de leur affaire. Donc nous retrouvons dans cela de la soumission, ainsi que de la vénération et de la mise en application de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, faisons mention de ce qui a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an, qui a dit, comme cela a été recueilli par Ad-Darimi dans ses sunan: suivez et n'innovez pas en religion, les efforts fournis avant vous vous suffisent largement. Il a également été rapporté de lui, radiallahu an, qu'il a dit: s'économiser à mettre en pratique la sunna est préférable au fait de fournir des efforts dans l'hérésie, c'est-à-dire dans l'innovation en religion. Et ces termes, ces propos, ont été recueillis par Al-Hakim et d'autres parmi les spécialistes du hadith. Sixièmement, faisons mention de ce qui a été rapporté d'Ibn Omar et que l'on peut notamment retrouver dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. En effet, il y est rapporté qu'un homme a dit à Ibn Omar: nous trouvons dans le Coran la mention de la prière de la peur et de la prière lorsque nous sommes résidents, mais nous ne trouvons pas la mention de la prière du voyage. Ibn Omar lui a alors répondu: et sois attentif à cette réponse-là, empreinte de bonne manière et également qui a pour vocation d'éduquer. Il lui a dit: Allah a envoyé notre prophète alors que nous étions les plus ignorantes des personnes. C'est ainsi que nous faisons comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il a voulu dire par là que nous nous en tenons à ce qui nous a été enseigné et à ce sur quoi nous avons été éduqués. Septièmement, il a été rapporté de Abu Talha al-Ansari qu'il protégeait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud. Et qu'il cherchait à repousser les flèches et les lances qui étaient lancées en destination du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam supervisait ses troupes et regardait comment elles agissaient. Et Abu Talha radiallahu anhu lui a dit: n'agis pas ainsi. Car une flèche risquerait de t'atteindre, et que je me fasse tuer est moins grave que le fait que toi, tu te fasses tuer. Donc nous retrouvons ici également dans ce récit qui a été recueilli par les deux cheikhs dans le recueil authentique respectif, ce sens du sacrifice qu'avaient les pieux prédécesseurs de cette communauté, tout cela pour la cause du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna. Nous pouvons également mentionner d'autres récits, notamment ce qui a été rapporté de l'imam Muhammad ibn Salim ibn Shihab al-Zuhri, le célèbre disciple des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui disait qu'il a été rapporté de ce qui était en vigueur chez nos ulama le fait qu'ils disaient que se cramponner à la sunna est une source de salut, et que le savoir est rapidement repris, et que c'est donc par le fait que perdure le savoir que la religion et la vie de ce bas monde continuent, alors que réside dans la disparition et le départ du savoir, la disparition et le départ de tout cela. Et ces propos ont été recueillis par Darimi dans ses Sunan. Il a également été rapporté de l'imam Mujahid, qui compte également parmi les célèbres disciples des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit à propos du sens de la parole d'Allah ta'ala, « فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ » Et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le donc à Allah et au messager. Sourate An-Nisa, verset numéro 59. Il a dit, renvoyer à Allah, cela signifie le renvoyer à son livre. Et le renvoyer au messager, alayhi salatu wassalam, revient au fait de le renvoyer à sa sunna. Et ces propos ont été recueillis par Ibn Jarir dans sa célèbre exégèse. Il a également été rapporté de Saïd ibn al-Musayyib, et cela a été recueilli par Abd al-Razzaq dans sa Musannaf, qu'un jour un homme était en train de multiplier les prières après Al-Fajr. Et Saïd ibn al-Musayyib a réprouvé cela de lui. Et il l'a tiré en lui faisant signe de s'asseoir. L'homme lui a alors dit, « Oh Abu Muhammad, est-ce qu'Allah va me châtier du fait que je priais ?» Saïd lui a alors répondu, « Non, par contre, il va te châtier à cause du fait que tu t'es opposé à la sunna. » Donc Allah ne châtie pas à cause du fait qu'une personne prie, mais il châtie à cause du fait qu'elle s'oppose à la sunna, étant donné que, comme il a fait allusion Saïd al-Musayyib, parmi les conditions de l'acceptation des œuvres, en plus de la sincérité vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, on peut compter le suivi de la voie du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc nous pouvons nous rendre compte à travers tout cela et à travers ce qui a pu précéder de l'importance de ces principes-là et de la gravité du fait de déroger à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que se méfient donc ceux qui s'opposent et se détournent de ses ordres, afin qu'ils ne soient pas touchés par des troubles ou qu'un châtiment douloureux ne les atteigne. Et terminons ces quelques paroles et clôturons-les en mentionnant une parole grandiose qui a été rapportée de Hassan al-Basri. Cette parole grandiose contenant une recommandation d'ordre général. Recommandation qui a notamment été rapportée par As-Safarini dans son livre Sharh Thulathiyat Musnadi al-Imam Ahmad. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde, a dit, « Ô fils d'Adam, ne sois pas trompé par le discours de ceux qui disent que l'homme est avec ceux qu'il aime. En effet, quiconque aime des gens suit leurs traces. Tu ne rejoindras donc les rangs des pieux que lorsque tu auras suivi leurs traces, que tu te seras conformé à la voie qu'ils suivent, que tu auras pris exemple sur leur manière de cheminer, que tu n'auras atteint le matin et le soir qu'en étant dans cet état d'esprit, et que, motivé à l'idée d'être parmi eux, tu empruntes leur chemin, et ce même si tu es déficient. Car l'important dans l'affaire est que tu fasses preuve de droiture. N'as-tu pas vu les juifs, les chrétiens et les partisans des passions viles aimer leurs prophètes, et ne pas être avec eux? Cela parce qu'ils les ont contredits dans leurs paroles et actes, et qu'ils ont suivi autre que leur voix. Leur abreuvoir sera donc le feu, c'est auprès d'Allah que nous cherchons à être protégés de cela, et nous allons donc nous en tenir à ces quelques paroles والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.